طيب ونكمانس إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication du livre de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, dans son livre donc qui s'intitule الهجر أو تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. Et donc, c'est-à-dire des réflexions sur le sujet du hajr à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des salafs de la umma. Donc, on est arrivé maintenant à un autre point dans le livre. Et dans ce point-là, juste pour vous remettre dans le contexte par rapport à l'ordre du livre et les sujets. Donc, je vais vous dire où est-ce qu'on se situe exactement maintenant. Non. Donc, on est dans le premier point, c'est-à-dire, non, on est dans le deuxième point. Oui, le premier point, c'était la signification du Hajr, et il y avait deux clarifications à ce sujet-là. Là, maintenant, on est dans le deuxième point, et parce qu'au dernier cours, on a lu les textes qui ont rapport avec ce sujet. Si je ne me trompe pas, An-Nusus, est-ce qu'on l'a lu ça? An-Nusus al-Waridatu, fi mas'alati al-Hajr. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, c'est dans cette deuxième partie du livre. Et dans cette deuxième partie, le Cheikh, il va expliquer donc les preuves du Coran, de la sunna en ce qui concerne le hajr. Donc c'est ça. Il va expliquer les preuves et il va clarifier que en réalité il y a deux sortes ou deux catégories de hajr. Un hajj qui est interdit et un hajj qui est légiféré. C'est-à-dire un boycott qui est interdit et un boycott qui est légiféré. Donc on va voir la différence entre les deux. Et pourquoi on dit qu'il y a deux catégories. Hein? Et ensuite on va clarifier des détails là-dessus, Inch'Allah. Donc on commence. Donc le Cheikh, il dit « Al-Qism al-Awwal al-Hajr al-Mamnou' » Donc, les preuves du sujet, il les mentionne dans la division qu'il a fait. Hein? Donc, il va citer les textes qui parlent du Hajr et il va clarifier par la suite la différence. Qu'est-ce qu'il clarifie en même temps la différence entre les deux en expliquant ça. Donc, ici, le Cheikh, il dit. Il dit « مضى أن من أصول أهل السنة الاجتماع » Donc là, il parle en premier du Hajr qui est interdit. Et on va voir qu'est-ce... Bon, là, je tourne en rond. Ok, on commence, Inch'Allah. Après, j'expliquerai. « مضى أن من أصول أهل السنة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف وأن يكون ذلك على الحق وبالحق وللحق وقد جاءت نصوص كثيرة تؤيد هذا المعنى وتنهى عن كل ما كان سبيله أن يقطع أواسر هذا الأصل ومن ذلك المنع من الهجر لأنه يتنافى مع هذا الأصل المقرر والنصوص في الكتاب كثيرة أنا أذكر بعضا وطرفا منها وإلا فكما قلت لا يمكن الاستيعاب Donc il explique, le cheikh, il dit qu'on a déjà expliqué au dernier cours. Ben lui, le cheikh, il dit on a expliqué précédemment, parce que c'était pour lui une seule conférence en fait. Mais pour nous, on le divise en différents cours parce que le sujet est assez long. Donc il explique que qu'est-ce qu'on a vu en dernier, c'était parmi les fondements du fait que parmi les fondements de Ahl Sunnah, hein, le fondement des gens de la Sunnah, il y a le fait de se réunir et de se rassembler, de rester unis et de rejeter la division et la divergence. Et que lorsqu'on s'unit, il faut que ce soit sur la vérité, par la vérité et pour la vérité. Et il y a de nombreux textes du Coran et de la Sunna qui ont été rapportés, qui confirment et qui supportent cette signification et qui interdit tous les moyens ou toutes les choses qui peuvent être des causes pour couper hein, les liens de ce fondement-là. C'est-à-dire toute chose qui pourrait être une cause pour créer de la division, de la discorde ou nuire à l'unité et à l'union des musulmans et de la Ummah, ces choses-là doivent être rejetées. Et parmi donc les choses que le cheikh il explique ici, il dit que il dit wa min dhalika al-man'u min al-hajri. C'est-à-dire parmi ces choses, parmi les choses qu'il faut rejeter, ou parmi les choses qui peuvent causer, disons, qui peuvent nuire à ce fondement de l'ordre d'être uni et l'interdiction de se diviser, le fait d'empêcher le hajr, c'est-à-dire le hajr hein, entre les croyants, ça peut amener de la division, ça peut amener de la divergence et de la discorde. Donc c'est quelque chose à éviter de façon générale. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un hajr qui est interdit. C'est-à-dire, juste pour résumer de façon générale, pour résumer, pour que ce soit plus clair, c'est que le hajr, il est interdit entre deux musulmans, entre deux croyants, si c'est pour des questions de la dunya, hein, si c'est pour des choses qui ont rapport avec la dunya, on ne doit pas se boycotter ou se couper les uns les autres ou se tourner le dos les uns des autres plus que 3 jours. Et après 3 jours, eh bien, ça devient interdit. C'est un péché dans ce cas-là. Et c'est pour ça que ici le cheikh il explique que le hajr, c'est quelque chose qui doit être empêché, c'est quelque chose qui doit être interdit parce que ça détruit l'unité entre les croyants et ça ramène de la division et de la divergence. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut empêcher le hajr, le maximum hein, du hajr dans ces questions-là. Et on va mentionner les textes qui parlent de ce sujet, hein, c'est-à-dire du hajr. Et il dit qu'il y a beaucoup de preuves dans les textes à ce sujet-là. Mais il dit qu'on va seulement en mentionner certains d'entre eux ou quelques-uns parce que ce n'est pas possible de tout rapporter, qu'est-ce qui a été dit sur ce sujet-là. Et donc il dit فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليالٍ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما ومر معنا فيما مضى في في أولا يعني حديث أبي هريرة لا تباغضوا ولا تحاسدوا وفيه ولا تدابروا. وأيضا أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. والأحاديث في الباب كثيرة جدا. أخرج الإمام أبو عبد الله أو أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد بسند صحيح عن الإمام أبي العالية أنه قال: سمعت في المتصارمين أحاديث كثيرة كلها شديدة، وإن أهون ما سمعت أنهما لا يزالا ناكبين عن الحق ما كان كذلك. نعم. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: استدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك، لأن نفي الحل يستلزم التحريم، ومرتكب الحرام آثم. وقرر نحوه أيضا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، والنووي رحمه الله في شرح مسلم، وغيرهم من أهل العلم. Donc maintenant on a lu donc cette première partie, on va traduire maintenant cette signification là, inshallah. Donc je voulais lire jusqu'au bout pour éviter justement de voir traduire par partie. Je pense que le sujet va être plus clair et plus facile à comprendre si on le lit d'un trait. Donc le cheikh il dit donc que les textes à ce sujet-là sont nombreux, il va en mentionner quelques-uns. Et là il commence, il dit: il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, selon Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à un homme de se séparer ou de boycotter son frère pendant plus que 3 nuits. Hein? Et il a illustré l'exemple en disant: il se rencontre et celui-ci se détourne et l'autre se détourne. Il dit: le meilleur des deux est celui qui débute le salam. Le meilleur des deux est celui qui débute le salam. Il est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, selon Anas radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à un homme de boycotter ou de se séparer, hein, de couper les liens avec son frère plus que 3 nuits. Hein, il se rencontre et celui-ci se détourne et l'autre se détourne également, c'est-à-dire il se tourne le dos, hein, ou il s'évite, hein, les uns les autres. Il dit: le meilleur des deux, c'est celui qui débute ou qui commence à donner le salam à l'autre. Donc ça, c'est une autre narration de ce hadith. Donc Abu Ayyub al-Ansari et Anas, hein, les deux ont rapporté ce hadith-là. Et la même chose est rapportée également selon Ibn Omar dans Sahih Muslim. On a déjà également mentionné au dernier cours le hadith que le cheikh ici il cite, ou bien il mentionne la partie d'un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit: on a déjà vu dans ce qu'on a mentionné déjà précédemment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté selon Abi Huraira, ne vous mettez pas ou bien plutôt ne vous détestez pas les uns les autres, ne soyez pas jaloux les uns des autres et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Donc, at-tadabur, ça rentre dans cette signification-là aussi. Et il cite un autre hadith qui est rapporté, celui-ci, par l'imam muslim dans son sahih, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les portes du paradis seront ouvertes le lundi et le jeudi. Hein, » le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine, c'est Yom al-Ithnain, c'est le lundi. Et le cinquième jour de la semaine, c'est-à-dire le jeudi, en arabe on ne dit pas lundi ou jeudi, on dit hein, le deuxième et le cinquième. Al-Ithnain, c'est le lundi, et Al-Khamis, c'est le cinquième, c'est le jeudi. Parce que le dimanche, c'est Al-Ahad, le dimanche, c'est le premier jour. Donc, en fait, les jours de la semaine en arabe sont, c'est le numéro de chaque jour de la semaine. Donc, le lundi, c'est Al-Ahad, c'est le 1, et le mardi, le lundi, c'est le 2, le lundi, c'est le dimanche, c'est le 1, le lundi, c'est le 2, le mardi, c'est le 3, le mercredi, c'est le 4, et le jeudi, c'est le 5. Et le vendredi, c'est le Jumu'ah. Et le samedi, c'est As-Sabt. Hein? Donc ça, c'est les jours de la semaine en arabe. Voici comment comment on les a nommés. Tandis qu'en français ou en anglais, souvent, c'est les noms de la semaine ou les noms de... Oui, les jours de la semaine sont attribués ou sont donnés par rapport aux divinités gréco-romaines ou bien... Il y a d'autres divinités également, par exemple Thor, hein, une des divinités des Vikings hein, à l'époque, et ainsi de suite. Donc, dans l'islam, nous, on se réfère pas à des exemples de fausses divinités pour nommer les jours de la semaine ou les mois. Plutôt, on se réfère... au numéro, hein, au nom, à l'ordre numérique de ces jours-là dans la semaine, ou bien qu'est-ce que ces jours-là représentent pour les musulmans. Par exemple, Al-Jumu'ah, eh bien, c'est le jour du rassemblement des croyants. Donc, Al-Jumu'ah, c'est justement, ça vient de Al-Jama'ah, hein, le fait de se réunir. Et étant donné qu'on se réunit ce jour-là pour faire la prière en grand nombre, on l'appelle Jumu'ah. Donc, tout ça pour dire, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith que les portes du paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi. C'est les deux jours dans lesquels les musulmans sont encouragés de jeûner également. Donc, le lundi et le jeudi, les portes du paradis sont ouvertes et il est pardonné à tout serviteur musulman qui n'a pas fait de shirk avec Allah. Excepté à un homme, hein, entre lui et son frère, il y a une animosité ou une dispute, une discorde. Alors, il est dit à ce moment-là, attendez pour ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Attendez pour ces deux-là juste pour qu'ils se réconcilient, c'est-à-dire attendez pour que ces deux-là soient pardonnés, qu'ils fassent leur réconciliation et qu'ils reviennent ensemble. C'est-à-dire qu'ils s'excusent et qu'ils reviennent l'un vers l'autre et qu'ils cessent leur dispute et leur discorde. Donc ça, c'est un hadith qui supporte donc cette signification-là et ce sens-là également. Il est également rapporté par l'imam Ibn l'imam Abdullah Ibn al-Mubarak, un des grands savants, un des grands imams de la Sunna, des salafs. L'imam Abdullah Ibn al-Mubarak, il a écrit de nombreux livres, et parmi ces livres, il y a Az-Zuhd. Et dans ce livre, Az-Zuhd, il a rapporté avec une chaîne de transmission authentique, selon Abu al-Aliya, un des salafs, qui a dit, j'ai entendu plusieurs hadiths à propos de deux personnes qui sont en dispute. Et tous ces hadiths-là sont sévères, sont très durs. Et le plus léger ou le moindre d'entre eux, celui qui est le moins sévère d'entre eux, et que j'ai entendu, il disait que ces deux-là vont continuer à être détournés de la vérité tant qu'ils restent ainsi, c'est-à-dire tant qu'ils sont en dispute. Ils vont être détournés de la vérité tant qu'ils sont en dispute. Et c'est vrai, lorsque quelqu'un est fâché ou se dispute avec un autre musulman pour des différentes raisons, eh bien, à cause de ça, ils sont détournés de la vérité. Et des fois, même sans apercevoir, yani, subhanallah. Donc, le cheikh, il dit, وَوَجْهُ الدِّلَالَ. Donc, le point qu'on peut tirer dans la compréhension de ce hadith-là, c'est-à-dire le point qu'on veut ramener par rapport à ces hadiths qu'on a cités, ça a été clarifié par Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani dans son charh de Fath al-Bari, le charh de Sahih al-Bukhari. Il dit que on a utilisé ces hadiths-là comme preuve pour dire que si jamais il y a une dispute ou un malentendu ou une discorde entre un musulman et son frère, et que l'un refuse d'adresser la parole à l'autre ou de lui adresser le salam, eh bien, il commet un péché en faisant ça. Il commet un péché. Et ça vient indiquer qu'il est interdit. يعني, c'est ça. لأن نفي الحل يستلزم التحريم. Mon frère, si tu prends un sac dans la boîte, oui. Barakallahu fik. Donc, le fait que la mention du fait que c'est pas permis pour deux croyants ou deux frères de s'abstenir de donner le salam ou de s'adresser la parole, ça implique l'interdiction. Ça implique l'interdiction. Et que la personne qui commet cette chose qui est interdite est un pécheur lorsqu'il fait ça. Hein? Donc, c'est-à-dire que lorsque deux croyants se mettent en colère l'un contre l'autre et qu'ils s'abstiennent de s'adresser la parole et qu'ils ne veulent pas se parler ou se donner le salam, eh bien, dans ce cas-là, ils sont dans le péché. Et le cheikh, il dit, وَقَرَّرَ نَحْوَهُ أَيْضًا الْحَافِذِ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي التَّمْهِيدِ وَالنَّوَوِيُّ رحمه الله في شرح مسلم وغيرهم من أهل العلم. Il dit que la même chose a été déclarée par un des grands imams parmi les imams de l'islam, c'est l'imam Al-Hafiz ibn Abd al-Barr dans son livre At-Tamhid, et l'imam An-Nawawi dans son livre Rahimahullah, Sharh Sahih Muslim, l'explication du Sahih de l'imam Muslim, et d'autres également parmi les savants ont compris la même signification et ils l'ont clarifié. Donc maintenant on arrive à la deuxième catégorie du Hajr, et c'est la catégorie donc. Je vais lire en premier, après je vais l'expliquer, Inch'Allah. Donc, ou bien sinon je peux expliquer en même temps aussi, pour que ce soit clair. Donc, quand c'est des disputes entre deux croyants sur des choses qui font partie des choses de la dunya, et des disputes et des désaccords comme ça, qui sont simples, qui ne sont pas reliés à la croyance ou à la foi ou à des péchés ou des choses comme ça, mais c'est des disputes par rapport à des comportements ou des choses comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de s'écarter l'un de l'autre ou de se couper hein, l'un l'autre plus que 3 jours. Mais dans d'autres situations où, par exemple, quelqu'un a commis une innovation ou il a fait quelque chose qui atteint un degré plus sévère ou plus sérieux et qui touche à la religion, alors dans ce cas-là, c'est légiférer de boycotter ou de s'écarter de la personne pour une période indéterminée. D'accord? Et c'est ça que le cheikh ici, il veut clarifier. Donc il dit ici, القسم الثاني الهجر المشروع. Il dit, تقرر في القسم الأول أن الهجر من أنواعه هجر ممنوع وبالتأمل في نصوص الوحيين وكلام الصحابة وفي فعل السلف نجد أن ثمة نوعا مشروعا من أنواع الهجر وله مقاصد عظيمة ولهذا يمكن أن يقال كما قاله غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره أن القسم الأول من العام المخصوص ومن هذا النوع أعني الهجر المشروع هجر الرجل لزوجته وهجر الوالد لولده وهجر أهل البدع وأهل المعاصي المجاهرين بها ونحو ذلك وقال الإمام أبو داود في سننه النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات انتهى كلامه رحمه الله. Donc ici le cheikh il explique que on a expliqué dans la première partie le hajr et ses différentes formes et on a expliqué qu'il y a une forme du hajr qui est interdite et en observant les textes de la révélation, le Coran et la Sunna et les paroles des sahaba et les actions des salaf, les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis, on voit qu'il y a une autre catégorie de hajr qui est légiférée parmi les sortes de hajr ou les sortes de boycott ou le fait de couper les liens avec certaines personnes. Et il y a pour cette catégorie-là du hajr des objectifs qui sont très importants dans la religion. Et il est possible donc de dire, comme d'autres parmi les savants l'ont mentionné, par exemple, Al-Hafidh ibn Hajar et d'autres également, qui ont clarifié que la première catégorie de Hajar qu'on a mentionné, c'est-à-dire le Hajar qui était interdit, eh bien, c'est une catégorie qui est générale et il y a une autre catégorie qui est plus spécifique. C'est pour ça qu'il dit le Cheikh Al-Qism Al-Awwal Al-Am Min Al-Am Al-Makhsous. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est qu'est-ce qui est général, c'est-à-dire de ne pas boycotter son frère plus que 3 jours. Puis, il y a une autre catégorie de hajr qui est légiférée, mais qui fait partie d'une catégorie plus spécifique et qui n'est pas interdite si elle dépasse plus que 3 jours. Et ça, c'est souvent une chose que certains ont mal compris, justement. Dans le sens que certains ont penser qu'il n'y avait qu'une seule catégorie de hajr. Et par conséquent, ils mettent toutes les différentes formes de hajr dans la même catégorie, dans le sens qu'ils pensent que dans tous les cas, on ne peut pas faire le hajr plus que 3 jours. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur de penser ça, parce qu'il y a des exemples dans la sunna et même des exemples dans le Coran où on voit que le hajr a été appliqué ou mis en pratique contre certaines personnes et pour certaines situations et que c'était dans un nombre de jours beaucoup plus que 3. Hein? Et le cheikh, il donne des exemples. Il dit, par exemple, pour clarifier cette catégorie-là de hajr qui est légiféré, On peut donner comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait le hajr de ses épouses pendant 40 jours ou presque 40 jours. Et un autre exemple aussi, le hajr d'un père quand il va faire le hajr à son fils. Parce que son fils, par exemple, a mal agi ou il a fait quelque chose qui n'est pas correct dans la religion, ou ainsi de suite. Ou bien le hajr des gens de bid'a, par exemple, quand tu vas boycotter des innovateurs ou des gens qui ont fait des bid'a dans la religion. Ou bien des gens qui commettent des péchés, mais qui les exposent publiquement. C'est-à-dire, ils font leurs péchés ouvertement et publiquement devant les gens, sans gêne et sans honte. Donc, dans des cas comme ça, il est permis de boycotter ou de... Voilà, comme ça. Il est permis de couper les liens avec ces gens-là et de couper les relations avec ces gens-là pour une période beaucoup plus longue que 3 jours. Et même parfois, ça peut durer même d'une durée indéterminée. Et il donne des exemples, par exemple, par rapport à ça. Il dit « وَقَالَ الْإِمَامُ Abu Daoud fi sunani. Donc l'imam Abu Daoud dans son sunan, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'était écarté de ses épouses pendant 40 jours. Il a fait le hajr de ses épouses pendant 40 jours. Et Ibn Omar, il avait boycotté son fils, il s'était écarté d'un de ses fils jusqu'à sa mort. Donc ça, c'est la fin de la citation ici, de la parole de l'imam Abu Daoud, rahimahullah. Et je pense que c'était justement, parce qu'il y a plusieurs narrations dans ce sens-là, mais je crois que c'était lorsque Abdullah ibn Omar avait dit à son fils, parce que je pense que c'était un de ses fils qui avait entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Ibn Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'empêchez pas les femmes, n'empêchez pas vos femmes d'assister à la prière à la mosquée. Et un des fils d'Abdullah ibn Omar, quand il a entendu le hadith, il a dit « Par Allah, nous allons les empêcher. » Les empêcher d'y aller. Et Abdullah ibn Omar a été en colère de ça parce que c'était pas respectueux envers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'objecter ou de dire le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cette façon. Alors, Abdullah ibn Omar a dit à ce moment-là, « Par Allah, je ne vais plus jamais te parler. » Quand il a entendu son fils dire une parole comme celle-là. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça dans la sunna. Et de la part des salafs, on a vu beaucoup d'exemples semblables. Lorsque, par exemple, aussi un autre exemple, lorsque l'un d'entre eux, il faisait des pichenottes, il envoyait avec les doigts des cailloux, des petits cailloux, et le sahabi qui a dit à celui qui faisait ça, cesse de faire ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, parce qu'il a dit ça creuve les yeux, et tu peux crever les yeux de quelqu'un en faisant ça, et tu ne peux pas chasser un animal de cette manière. Donc, ça peut pas ramener du bien et ça ramène du mal. Donc, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Et malgré qu'il lui a dit que ça, c'était pas permis, il l'a fait quand même, continue à le faire. Alors, le sahabi a répondu en disant, ou il lui a dit à ce moment-là, par Allah, je ne vais plus jamais t'adresser la parole. Donc ça, c'est des exemples. Il dit aussi la parole de l'imam Al-Allama Ibn Muflih. Il dit, وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية ثم عقد فصلا فقال فصل في هجر الكافر والفاسق والمبتدع الداعي إلى بدعة مضلة إلى غير ذلك. Donc il dit que l'allama, le grand savant Ibn Muflih al-Hanbali, rahimahullah, dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, un livre très célèbre, il dit dans ce livre, il est permis, et ça fait partie de la sunna aussi, de boycotter ceux qui exposent les péchés, que ce soit dans les paroles, dans les actions ou dans les croyances. Et il dit, puis ensuite, il a fait un autre chapitre ensuite, ou un autre point, dans lequel il a intitulé un chapitre au sujet de boycotter le mécréant, le pervers et l'innovateur qui appelle à sa bid'a, d'égarement. Et donc, il a mentionné aussi d'autres choses à ce sujet-là, dans ce chapitre-là. Il dit, وَمِنْ أَدِلَّةِ هَذَا الْبَابِ وَهَذَا الْقِسْمِ مَا قَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَالصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهَا قَالَ أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى هِجْرَانِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَغَيْرِهِمْ فإن صحبتهم إما كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة وقال الله تعالى فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Donc ici, le cheikh, il explique que parmi les preuves qui ont été mentionnées à ce sujet-là, il a cité le verset 113 dans Sourate Hud. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ » Donc... Je vais juste vérifier comment ils ont mentionné, comment ils ont traduit ce verset. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Yani, ici, il dit, ne vous penchez pas vers les injustes. Mais la signification de tarkanu, ça ne veut pas juste dire de pencher. Mais il y a un sens de supporter ou de s'allier ou de... Que tu deviennes un ami ou un support pour ceux qui font de l'injustice. Donc il dit, ne prenez pas comme ami ou comme support ceux qui font de l'injustice, sinon vous serez, le feu vous touchera, l'enfer vous touchera, c'est-à-dire, donc ça c'est interdit. Et l'imam al-Qurtubi, l'allama dans son tafsir, du Coran, il explique la signification de ce verset-là et il dit ce qui est correct et ce qui est vrai par rapport à sa signification, c'est que ce verset indique qu'il faut boycotter les gens de la mécréance et les gens qui font des péchés et les gens de l'innovation et d'autres également. Et il dit parce que le fait de les côtoyer, de les prendre pour compagnons, c'est soit de la mécréance ou soit un péché. Parce que le fait de prendre quelqu'un comme ami ou comme compagnon, ça ne se fait que parce qu'on a de l'amour pour cette personne. Donc si c'est un mécréant ou un innovateur, tu ne dois pas le prendre comme compagnon, sinon tu risques de développer de l'amour pour lui. Et yani, même si par exemple c'est pas pour, tu dis ah, mais c'est pas pour sa religion que je suis ami avec lui, ou c'est pas pour sa bid'a que je suis ami avec lui, mais Yani, à la longue, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être que tu risques de commencer à aimer sa bid'a également, hein, ou à aimer sa mécréance par la suite. Parce que c'est comme ça parfois que ça commence, l'égarement. Par le fait d'aimer les gens qui sont dans l'égarement, même si tu dis c'est pas pour leur, je les aime pas pour leur bid'a ou pour leur kufr, puis finalement par la suite ça, les choses changent. Il cite ensuite le verset 68 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le shaitan, hein, le diable, te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Donc tu ne dois pas, hein, les prendre comme compagnons et y rester avec eux. Il est mentionné par l'imam al-Tabari, il dit: wa qala l'imam al-Tabari rahimahullah fi tafsirihi في هذه الآية الدالة في هذه في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. Donc ici l'imam al-Tabari, il dit par rapport à ce verset-là dans son tafsir, c'est-à-dire le verset 68 dans Sourate Al-An'am, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Donc il explique que il y a la preuve dans ce verset-là, il y a la preuve claire de l'interdiction de s'asseoir avec les gens de la fausseté. Et il dit, peu importe la différente catégorie, les différentes catégories de fausseté à laquelle ils peuvent appartenir, que ce soit les gens de bid'a ou les gens de la perversité et des péchés, lorsqu'ils pataugent dans leur fausseté, et lorsqu'ils parlent de leur fausseté, ne doit pas rester avec eux. Il dit, وستارد جملة من الآيات أيضا إضافة إلى هذا إذا ما تكلمنا عن جملة من المقاصد الشرعية من الهجر. Donc il dit, et il va y avoir d'autres versets qui vont être mentionnés plus tard, en plus de ceux qu'on vient de mentionner là, les deux versets qu'on vient de mentionner, lorsqu'on va parler des objectifs légaux du hajr dans la charia. Donc, il y a d'autres versets qui vont être ajoutés à ceux-là. En ce qui concerne les preuves de la sunna maintenant, le cheikh il dit: wa amma min as-sunnati ayyuha al-ahibba fa inna al-adillatu kathiratun aydan wal-asl fiha hadith ath-thalatha alladhina khulifu 'an ghazwati tabuk wal-hadith fi as-sahihayn من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وفيه يقول كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة والقصة طويلة. وقال الإمام الطبري رحمه الله: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي. وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة معلقا عليها: فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد على التأبيد. Donc ici le cheikh il explique que dans la sunna il y a de nombreuses preuves qui prouvent ce fondement là, c'est-à-dire par rapport au hajr des gens qui font des péchés et des innovations, et que il n'y a pas une limite de 3 jours pour ces gens-là. Et c'est le hadith, par exemple, des 3 qui étaient restés derrière lors de la bataille de Tabouk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion à ces 3-là dans Sourate Tawbah. Dans Sourate Tawbah, et je pourrais même vous mentionner les versets sur le sujet, c'est vers la fin de cette sourate. Je vais vous dire, oui, c'est ça. Donc, c'est le verset 118 et 119. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa ala thalatha alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Donc ça c'est les versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 118 et 119, et il accueille le repentir des 3 qui étaient restés derrière. Si bien que tout vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Hein. Et ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, et car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc ça c'est un exemple des 3 qui étaient restés derrière. Hein? Donc ça c'est Naam, c'est ces versets-là. Et par rapport à cette histoire, par rapport à la sunna, il est mentionné, donc comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est le hadith dans lequel donc on parle de ces 3 qui étaient restés derrière lors de la bataille de Tabouk. Ils n'étaient pas partis et ils n'avaient pas d'excuses. Hein. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, donc les hypocrites sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit: ah, on s'excuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a excusés et ils sont partis satisfaits. Tandis que ces 3-là, eux, c'est différent. Ces 3-là sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit: on n'avait pas d'excuses. Hein? On veut que Allah nous pardonne. Hein? On veut pas que tu nous excuses, mais on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés par la suite, mais c'était après 50 jours. Que la repentance a été révélée. Hein, la repentance a été révélée 50 jours après. Et donc, pendant toute cette période, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc interdit aux croyants de leur adresser la parole. Donc, il dit dans le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux sahaba de parler à ces 3-là, ceux qui étaient restés derrière. Et donc tous les gens s'écartaient d'eux dans la ville. Tous les musulmans s'écartaient d'eux et ne leur adressaient pas la parole, ne leur donnaient pas le salam, ne les saluaient pas, ne leur souriaient pas, rien. Pendant 50 jours comme ça, même leurs épouses, à un certain moment donné, devaient s'écarter d'eux aussi. Donc, subhanallah, ça c'était quelque chose qui a été mis en application par les sahaba. Et ceux qui rapportent le hadith, c'est comme par exemple Ka'b ibn Malik, il raconte l'histoire. Et il dit que les gens s'écartaient de nous. Et on a vu donc comment tout a changé pour nous dans cette période-là. Et Et c'est comme si, il dit, c'est comme si on reconnaissait plus la, on ne reconnaissait plus la terre autour de nous. Hein, c'était pas la terre qu'on connaissait. Et on est resté comme ça pendant 50 nuits. Et l'histoire et le hadith, il est assez long, mais vous pouvez tous le consulter, le lire. Il est cité également dans Riyad al-Salihin. C'est un hadith vraiment grand en signification. Et l'imam al-Tabari, il dit par rapport à ce hadith-là, comme c'est cité par l'imam Ibn Hajar dans son Sharh Fath al-Bari, il dit l'histoire de Ka'b ibn Malik est une base sur ce qui concerne le fait de boycotter les gens du péché. Et il dit ensuite également « وقال l'imam al-Baghawi rahimahullah في شرح السنة معلقا عليها فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. Donc l'imam al-Baghawi, il dit dans son livre شرح السنة, en commentaire par rapport à cette histoire, que يعني, il y a la preuve dans ce hadith là qu'on peut boycotter les gens de bid'a, hein, on doit boycotter les gens de bid'a de façon indéterminée. De façon indéterminée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils se soient repentis. Et il dit, « Aqoul, bawwab al-imam al-Bukhari fi al-sahih fi kitab al-adab, bab ma yajouzu min al-hijrani liman asa, wa allaqa fihi tarafan من حديث كعب قال الحافظ في الفتح أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع فتبين هنا السبب المشروع للهجر وهو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها. Donc ici le cheikh il explique que le cheikh Abdullah al-Bukhari il explique ici, il dit, je dis que l'imam al-Bukhari dans son sahih il a attribué un chapitre ou il a désigné un chapitre dans Kitab al-Adab, dans le chapitre de Kitab al-Adab, un sous-chapitre qu'il a intitulé ce qui est permis du hajr de celui qui fait des péchés, hein, de boycotter celui qui fait des péchés. Et il a mentionné comme exemple une partie du hadith de Ka'b ibn Malik à propos de l'histoire qu'on vient de mentionner. Puis Al-Hafidh ibn Hajar dans le Sharh de Sahih de Sahih al-Bukhari, il a mentionné à ce sujet-là que ce que l'imam al-Bukhari a voulu dire par ce titre ou par ce sous-chapitre, c'est en réalité d'expliquer la catégorie de hajr qui est licite et qui est légiférée dans l'islam. Il dit parce que l'interdiction générale, hein, l'interdiction générale de boycotter ou de couper la relation avec un musulman, on n'a pas le droit plus que 3 jours, il dit ça, c'est quelque chose qui a été restreint ou limité dans le sens que lorsqu'il y a une cause légale pour boycotter quelqu'un plus que cette période-là, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas interdit. Il dit parce que l'interdiction générale, elle est limitée. Hein? C'est-à-dire, il y a des cas d'exception, il y a des cas spécifiques qui n'entrent pas dans cette interdiction générale-là. Et c'est ça que le cheikh, il explique ici. Il dit que s'il y a une cause qui est légale et légiférée pour boycotter quelqu'un plus longtemps que 3 jours, dans ce cas-là, c'est légiféré et c'est permis. Et il explique donc que parmi les causes qui rendent permissible le boycott d'une personne plus que 3 jours, c'est les personnes qui ont commis des péchés, hein, ou qui commettent des péchés ouvertement. C'est permis pour la personne qui a vu ce péché-là ou qui a été témoin de ce péché-là de boycotter la personne pour faire en sorte qu'il cesse de le faire. Et il dit ensuite وَهَذَا الْأَمْرُ قَرَّرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَالْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ مُعَلِّقًا عَلَى قِصَّةِ كَعْبِ رضي الله عنه فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من 3 إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة غضب يعني أو لتقصير في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. Donc il dit ici que l'imam al-Khattabi et d'autres parmi les ulama ont confirmer ce principe-là. Lorsque, par exemple, l'imam al-Khattabi, il explique dans son charh de Sunan Abi Dawud, qu'il a intitulé Ma'alim al-Sunan, il dit en commentaire au sujet de l'histoire de Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, que il y a des parmi les choses qui sont expliquées par rapport à la science dans ce hadith-là, il y a l'interdiction de faire il y a le fait que l'interdiction de faire le hajr et de boycotter un musulman ou le boycott qui existe entre les musulmans et l'interdiction de le faire plus que 3 jours, ça c'est seulement lorsque il y a entre eux ils sont fâchés par exemple, ou ils ont une colère, ou bien parce que l'un blâme l'autre de quelque chose par rapport à un problème qu'ils ont entre eux, ou dans le fait d'avoir eu des manquements dans les droits, dans les droits entre eux, dans leurs relations, et des choses de ce genre. Tant que, du moment que ces choses-là sont, pas reliées à la religion directement, c'est-à-dire, c'est pas des disputes qui sont causées à cause d'un problème relié à la religion. Il dit, mais en ce qui concerne par exemple le fait de boycotter les gens de la bid'a et les gens de la passion, les gens de l'égarement, eh bien ça c'est quelque chose qui est permanent. C'est-à-dire ce boycott, il est indéterminé dans sa durée et il peut durer tout le temps jusqu'à ce que on n'a pas vu apparaître de la personne ou des gens de ces gens-là une repentance et le fait qu'ils reviennent à la vérité. Donc ça veut dire que pour les gens de bid'a et les gens qui font certaines contradictions dans la religion ou des choses comme ça, eh bien, c'est pas une limite de 3 jours pour le fait de se réconcilier, mais plutôt, on doit continuer à couper les liens avec eux et les boycotter jusqu'à ce qu'ils se soient repentis ouvertement et qu'ils soient revenus clairement de leurs innovations vers la vérité. Et le cheikh il dit wa ghayrihi min al ulama. Il y a d'autres parmi les ulama qui ont clarifié ça, comme al Hafiz ibn Hajar dans Jami' al ilm wal hikam et Ibn al-Nahas dans Tanbih al ghafilin et d'autres également qu'on va mentionner plus tard. Il dit ومن السنة أيضا ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف قال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم لا أكلمك أبدا. وقال العلامة النووي فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. أما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق 3، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه وفيه تغيير المنكر. Donc ici le cheikh il mentionne maintenant le hadith que j'avais mentionné tout à l'heure dans la signification de ce hadith. C'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mughaffal. Il dit qu'il a vu un homme qui faisait des pichenottes. Il voyait un homme qui faisait des pichenottes, c'est-à-dire il met un caillou entre son pouce et son index ou bien son doigt, et puis il l'envoie comme ça, il le projette avec force entre ses deux doigts comme ça. Et subhanallah, quand il l'a vu faire ça, il lui a dit de ne pas le faire, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soit qu'il l'a interdit ou qu'il a détesté cette chose. Et il a dit que on ne peut pas chasser avec ça, c'est-à-dire on ne peut pas chasser en faisant des pichenottes, et on ne peut pas non plus blesser un ennemi. Et il dit, ça peut casser une dent ou crever un œil. Et il dit, puis plus tard il l'a vu en train de le refaire encore une fois, c'est-à-dire il l'a revu une autre fois, en train de faire des pichenottes encore une fois. Alors il lui a dit, je t'ai mentionné le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne l'interdiction de faire des pichenottes, ou bien le fait qu'il a détesté de le faire. Et toi, tu le fais quand même? Il dit, je ne te parlerai plus par la suite. Je ne vais plus te parler jamais. Donc il dit que l'imam al-Nawawi, dans son sharh de Sahih Muslim, il a expliqué, par rapport à ce hadith-là, il a fait un commentaire, il a dit que de boycotter les gens de bid'ah, les gens de perversité, ou les gens qui rejettent la sunna avec connaissance, qu'il est permis de les boycotter d'une durée indéterminée, c'est-à-dire pour toujours. Et l'interdiction de faire la hijra ou le hajr de quelqu'un, de boycotter quelqu'un plus que 3 jours, ça c'est seulement lorsque quelqu'un cesse de parler à une autre personne pour quelque chose pour son ego ou pour son orgueil, ou bien parce qu'il est fâché par rapport à des choses de la dunya et l'interaction qu'il avait avec lui dans des choses de la dunya. Une dispute personnelle entre lui et la personne, donc c'est personnel. Tandis que les gens de bid'ah et les gens de la passion et des gens d'égarement et des gens de ces catégories-là qui font des péchés ou qui opposent la sunna sciemment devant les gens, il dit de les boycotter, ça c'est d'une durée indéterminée. Et il dit qu'on voit dans ce hadith-là, ceux qui supportent cette signification-là, et il y en a d'autres également dans ce sens-là, comme le hadith de Ka'b ibn Malik qu'on a mentionné, et d'autres également. Et Al-Hafidh ibn Hajar, il dit par rapport à ce hadith, qu'il y a dans le hadith la preuve qu'il est permis de boycotter celui qui contredit la sunna et de cesser de lui parler, et que cela n'entre pas dans l'interdiction de boycotter le musulman plus que 3 jours, parce que cela se... parce que l'interdiction de boycotter le musulman plus que 3 jours, c'est uniquement lorsque cela concerne yani, quelqu'un qui a un conflit avec un autre pour quelque chose personnel, pour un problème qu'il a qui est personnel avec lui, et non pas quelque chose qui est relié à la religion. Et il dit, et ici on voit que ça rentre dans le fait de changer le munkar, changer qu'est-ce qui est mauvais. Donc on vient de compléter donc cette section. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et au prochain cours on va mentionner la suite, le point suivant, et on clarifiera des détails là-dessus. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته